De hockey mineur à Dolbeau. Là, maintenant, on va parler de ce qui se passe à Roberval avec le président Hugo Maltais. Salut, Hugo. Allez, Hugo, avant de Salut. parler de tes sujets, Samuel Girard, encore une fois, on a oublié de s'en parler en dehors des ondes, puisqu'on se dit toujours nos sujets. Samuel, qui a été sélectionné sur l'équipe d'étoiles de la Ligue de hockey Junior-Québec, qui va affronter les Russes à l'équipe Subway. Encore un honneur pour le gars de Roberval. Encore une honneur, ça va très, très, très bien là, depuis le début de l'année. Là, je pense que à toutes les semaines, il récolte d'honneur en honneur. Là, je regardais justement cette semaine là, sa fiche offensive. Il a été choisi là, la troisième semaine, la troisième étoile de la semaine dans le junior majeur. Cette semaine, la belle confirmation là, qu'il vient d'avoir quand même là, à son âge, à 17 ans, là, d'être invité pour aller jouer ces deux matchs-là. Donc, c'est sûr que ça rend. C'est depuis. On va dire depuis quelques années déjà que Samuel, c'est notre fierté, mais il rajoute à toutes les semaines, il en rajoute une petite couche de fierté, là. Donc on est bien content là, pour Samuel, là, pour les efforts qu'il met là-dedans. Là. Donc bravo à Samuel pour cette belle nomination-là. On est très heureux On va pour lui. parler maintenant d'Atome 2C. Oui, en fin de semaine dernière, l'Atome 2C de Roberval, on est allé expérimenter le premier. La première cuvée de l'atome 2C sur la côte nord. Donc, on est allé à Baie-Comeau avec l'atome 2C. Trois parties très, très, très, très, très, très serrées. Où est-ce que là, nous, on a perdu les trois matchs par la différence d'un but seulement, là, donc 2 fois 3-2. Puis le dimanche matin, 1 fois 4-3. Donc, vraiment, là, des parties chaudement disputé dans les trois parties. Roberval a dominé au niveau des lancers et des chances de marquer. La différence a carrément été le manque d'opportunistes des sortes de Roberval. Puis en parlant de manque d'opportunistes, ben on peut aller aussi sur l'autre côté puis dire des performances là, quand même impressionnantes des petits gardiens de but de Baie-Comeau. Donc c'est pas quelque chose de décourageant ce début d'année-là. Baie-Comeau avait joué la semaine d'avant déjà trois parties, eux autres, dans la saison régulière. Roberval, c'était ses trois premières parties. Donc, de ce que j'ai vu, moi, durant ces trois parties-là, ça inaugure bien. Puis je pense que Baie-Comeau va être quand même là, dans cette catégorie-là, une équipe là, assez difficile à vaincre. Donc je pense que les entraîneurs de l'Atome 2C ont quand même été très satisfaits là. De leur week-end, même si ça a résulté en trois défaites. Puis ils vont essayer de se reprendre là, demain. C'est le match d'ouverture à Roberval demain pour l'Atome 2C contre les Rapides. Donc on va essayer là, de. On va espérer que nos petits atomes réussissent là, enfin, leur match d'ouverture à Roberval. Puis après ça, ben dimanche, on se débarrasse des grands voyages, on s'en va à Chibougamau. Donc pour deux parties, ça fait que là, à partir de là, ben Roberval aura fait Baie-Comeau et Chibougamau. Fait qu'on va rester dans la région pour le reste de la saison régulière. On va parler maintenant de ce qui se passe aussi dans le simple-lettre. Oui, dans la simple-lettre, la semaine dernière, les équipes ont commencé. Là, donc le midget et le Pee-Wee ont commencé la semaine dernière. Ça n'a pas été facile. Ben ça n'a pas été nécessairement un moment idéal de débuter la saison. Là, on sait que là. C'était à l'Action de grâce la semaine dernière. C'était la dernière fin de semaine de la chasse. Fermer les chalets, les activités, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que ça a causé des petits problèmes, là. Moi, au niveau, dans ce cas, dans la catégorie, puis oui, ça m'a pris, là, des joueurs affiliés parce qu'on n'était pas capable de fournir à la demande, là, aux absences, pas à la demande, mais plutôt aux absences des joueurs. Donc, ça n'a pas été facile à ce niveau-là. Chaque club a gagné une partie, puis chaque club a perdu un match, donc ils ont quand même, avec des effectifs réduits, là. Je pense que le PWB dimanche est allé jouer à Dolbeau avec un gardien de but puis 7 joueurs, là, fait que c'est le strict minimum. Mais ils ont quand même gagné 4-3, sauf que on s'entend que c'est pas l'idéal quand même, mais regarde, on a fait avec ce qu'on pouvait, donc c'était l'Action de grâce, puis la saison a commencé là. En fin de semaine, la Bantam commence. L'atome commence, puis une nouvelle de dernière minute. On n'était pas supposé avoir de junior, mais en fin de compte, il aurait fait de magie, on va dire. Il y a quelqu'un qui a pris le dossier, un jeune qui a pris le dossier à Armin, puis là, il s'est trouvé 17 amis pour jouer. Donc, même si on ne commencera pas la saison en fin de semaine, le junior commence en fin de semaine, mais ils nous ont laissé une fin de semaine pour se tourner de bord, ben, on va avoir là, à partir de la semaine prochaine une équipe junior A. à Robertval. Donc, on va aller dans la Ligue. Là, il y avait déjà 7 équipes. Fait que la Ligue junior va avoir une belle Ligue à 8 équipes. Donc, c'est le début là, des matchs dans l'Atome, dans le junior et dans le Bantam. Est-ce que ça va être des joueurs de ce qu'on appelle affiliés au Sable de Robertval junior? Est-ce qu'il y en a là-dedans qui peuvent être associés au Sable? C'est sûr que dans le junior, ils ont la particularité dans le junior où est-ce que déjà, même s'il y en habille, même s'il habille ses 18 joueurs, ben 20 joueurs avec les gardiens de but, le junior a le droit à une liste de protection de 23 joueurs, puis si c'est pas 25 joueurs. Fait que c'est sûr qu'en partant, ils ont toujours 3-4 joueurs de plus sur leur T112 pour faire en sorte qu'ils puissent. Pallier à leurs absences par des joueurs par ces joueurs-là que sur leur liste de protection. Mais c'est certain que il y en a quelques-uns quand même là, des joueurs qui vont jouer junior A qui sont il y a des gars de 20 ans, il y a des gars de 21 ans qui n'ont pas décidé d'essayer de junior 2A par choix, par travail. C'est sûr qu'ils pourraient se retrouver sur cette liste-là puis d'aller donner un coup de main à une partie ou deux, parce que c'est pas parce que les jeunes nécessairement sont dans le junior A que ça n'a pas beau hockey, mais il y en a là-dedans qui sont bons. Fait que oui, ça pourrait arriver que l'organisation du junior 2A vienne jeter un coup d'œil à l'équipe du junior A de Robertval, puis puisse là, être capable. La même affaire, ils peuvent aller jeter un coup d'œil sur la liste du junior A de Métabetchouan, parce que le territoire, nous autres, on n'est pas vers Saint-Félicien, on est vers Métabetchouan, mais on pourrait toujours aussi retrouver quelques joueurs du junior A de Métabetchouan comme joueur affilié pour notre junior A à Robertval. Ben, Hugo, on s'en reparle jeudi prochain. Oui, on s'en reparle. C'est la chronique, donc, Joachim Nord de Robertval avec Hugo Maltais.